Merry Christmas, Studek Web. Bienvenue sur Studek Web et merci de nous rejoindre. Il est 15h. Studek Web, les infos. Le rendez-vous de l'actualité avec Johan Bredov. Bonjour Johan. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Semaine décisive pour sortir de la crise des gilets jaunes. Demain, Emmanuel Macron réunira à l'Élysée ministres et acteurs économiques pour organiser la grande concertation annoncée. Il a donc annulé son déplacement prévu à Biarritz pour lancer la présidence française du G7. Il est remplacé par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Et aujourd'hui encore, plusieurs ronds-points sont bloqués par des gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a appelé à lever les blocages. Ça suffit, on ne peut pas continuer à paralyser l'économie française, a-t-il déclaré. Un homme de 38 ans proche de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg, sera présenté à un juge d'instruction. Le parquet de Paris a requis son placement en détention provisoire. Arrêté jeudi, il est soupçonné d'avoir aidé Chekat à obtenir le revolver qu'il a utilisé le 11 décembre. Attentat qui a fait 5 morts et 11 blessés. Les 6 autres personnes placées en garde à vue ont été libérées. Alexandre Benalla, une nouvelle fois dans le collimateur de la justice. L'ancien collaborateur de l'Élysée a de nouveau été mis en examen pour violence lors du défilé du 1er mai. Celle-ci aurait eu lieu au Jardin des Plantes, peu avant celle place de la Contrescarpe, selon une source proche du dossier. La mortalité routière a baissé en novembre, moins 1,8%, a annoncé la sécurité routière. Si cette baisse se confirme, il s'agirait de la deuxième année consécutive de baisse du nombre de morts sur les routes. Sport et football, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa ont eu lieu. Pour la plus prestigieuse des deux compétitions, le PSG affrontera Manchester United pour la première fois de l'histoire dans la Coupe. Lyon tentera de créer l'exploit face à l'ogre barcelonais. Autres affiches de ces huitièmes de finale, Atlético Madrid-Juventus, Liverpool-Bayern Munich ou encore Tottenham-Dortmund. Match aller en février, match retour en mars. Et en Ligue Europa, un seul club français est engagé en 16e de finale, il s'agit de Rennes. Les Bretons tenteront de se défaire du Betis Séville pour accéder au prochain tour. Un mot de tennis, c'est Sébastien Grosjean qui a été désigné comme capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis après le désistement d'Amélie Mauresmo qui travaillera auprès de Lucas Pouille. Météo, pour conclure ce flash, des nuages gris à noter cet après-midi sur le nord-est, quelques averses prévues sur Metz ainsi qu'autour de la région rennaise. Partout ailleurs, un grand soleil. Et côté température, vous l'avez certainement remarqué, elles sont plus douces aujourd'hui, sauf sur Grenoble avec moins 1 degré. Il fera 4 degrés sur Strasbourg, 6 sur la capitale, 10 à Biarritz et Nice, la maximale pour Brest avec 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Borderline, c'est maintenant avec Hugo Bailly. Merci Johan, la suite de l'information à 15h30. Studek Borderline, au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h, 16h, c'est Borderline sur Studek Web. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Studek Web. Bienvenue dans Studek Borderline, votre dose de culture concon tous les jours jusqu'à 16h. On passe une heure ensemble et on va kiffer aujourd'hui, je le sens. Comme on change pas, une équipe qui gagne avec moi autour de la table, comme d'habitude, mon équipe de winners composée de Mona et d'Antonin. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant pour nous aujourd'hui, Mona? Alors moi, c'est un petit thank you next, je vous dirai pas plus. Sympathique. Et Antonin, qu'est-ce que ça donne de ton côté? Ce sera plein de cadeaux et plein de Disney, voilà. Et bah voilà, vous savez tout, ça arrive d'ici quelques minutes. On aura aussi des new news, hein, comme dirait Anto avec la média, de la musique, le sondage du jour. Et autant vous prévenir, là ça va être la guerre. On jouera au jeu des poupées russes avec vous. Vous pourrez tenter de gagner un pack Studek Web avec une casquette et un t-shirt Studek Web. Je vous en reparle dans quelques minutes. Nous sommes en live vidéo sur Dailymotion, passez donc nous voir. On vous met le lien vidéo sur la page Facebook Studek Web, ça va être une émission géniale, alors on vous attend. J'ai décidé de pas faire de vanne dans la présentation comme tu fais habituellement. Oh, Antonin, c'est la marque de fabrique. Moi je veux rajouter un peu plus de culture, tu vois, à nos auditeurs. Donc aujourd'hui, je vous propose un proverbe, c'est pas le mien, c'est celui de mon prof de philo en terminale, monsieur 6. Attention, c'est du lourd. Monsieur 7. Très drôle. Le bâton qui tombe dans la rivière ne devient pas crocodile. Voilà, je cherche encore. J'ai pas compris. Le saviez-vous ? Studek Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studek Borderline, vous vous coucherez moins bête. Mona, tu vas nous faire voyager du côté de l'Égypte. Allez, dis-nous tout. Oui, alors je vous en apprends tous les jours, hein, vous le savez. Et là, ouais. On part en Égypte avec une découverte très chelou sur Toutankhamon. Toutankhamon, ok? Ouais, ouais. Toutankhamon, parce que j'ai galéré à le dire pendant deux jours, en fait. Toutankhamon. Et je suis très heureuse de réussir à le dire sans bugger. J'ai vu, elle s'entraînait, elle disait tout en carton à chaque fois. Insupportable. Donc, c'est un ancien pharaon, je vous apprends rien. Ouais. C'est le 11e pharaon de sa dynastie, je crois que c'était la 18e dynastie, donc c'était un peu bizarre, les pharaons, dans l'Égypte antique. Enfin, bref, passons. En 2008, des chercheurs ont trouvé, en fait, ont découvert que la mère de Toutankhamon, pardon, n'était pas l'une des nombreuses épouses de, attention, Akhenaten. Allez. Tu vois, j'arrive à le dire aussi. Mais qu'en réalité, sa mère, c'était... C'est Akhenaton, hein, pas Akhenaten. Peu importe. On t'en veut pas, Mona, c'est peu pas grave. Peu importe, ok. Bah, en tout cas, ce qu'ils ont découvert, c'est que, en fait, il avait pas fait d'enfant avec ses femmes, mais que Toutankhamon, c'était l'enfant du père et de la sœur. Vous avez compris ou pas? Où je vous ai embrouillé. Non, vous avez non, toujours non, bien pas sûr. Compris. Si, si, en si. Gros, ses parents à Toutankhamon étaient frères et sœurs, alors qu'il avait des femmes. Mais il a couché avec sa sœur pour avoir Toutankhamon. D'accord. Ça te choque parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Oui, je sais que ça se faisait, mais c'est surprenant quand même. Enfin, je sais que ça, c'est normal chez vous en Picardie, excuse-moi. désolé. Ma mère est aussi ma cousine. Tu es cliché sur StudecWeb. Bon, voilà, je suis passée pour une débile parce que j'ai du mal à dire Toutankhamon. Mais vas-y, écris-le-moi s'il te plaît. Toutankhamon, il semble que c'est T-O-U-T-A-N-K-H-A-M. A-N. K-H-A. Il y a mon, pas mort à la fin. Tout en camon. Ah, c'est, c'est un O, pardon. À la fin, ouais, bon, c'est du bof. E. Bah, j'avais bon, non, ou pas? Non. Non, pas tout à fait. Non, très bien. On s'arrêtera là. Ouais, on va s'arrêter là. Ouais. Merci beaucoup, Mona. D'ailleurs, je me permets de te dire qu'aujourd'hui, tu es magnifique, telle Osiris. Non, c'était nul. Désolé. Non, non, c'était très bien. Ouais, il paraît. Ça dans, va. Dans quelques instants, je lance la troisième guerre mondiale avec le sondage du jour. Mais juste avant, laissez bon entendeur vous convaincre que le temps est bon. Bon après-midi sur StudecWeb. Un entendeur sur StudecWeb, il a remixé la musique d'Isabelle Pierre, Le Temps est Bon, sortie en 1973. Alors là, attention, C'est l'heure du sondage du jour sur StudioWeb. Je vous dis, je vais déclencher une polémique, mais il faut vraiment que le débat prenne fin une bonne fois pour toutes. On a lancé le sondage il y a quelques minutes sur notre page @StudioWeb sur Instagram. Et le voici. Est-ce que vous aimez l'ananas dans les pizzas? Envoyez-nous aussi vos messages sur la page Facebook StudioWeb. D'ailleurs, c'est très partagé. Antonin, Mona, vous préférez quoi? Attends, je suis un rebondir sur la réaction de Mona. Je sais pas si quelqu'un l'a entendu. Elle a fait OMG. No way. Impossible. C'est dégueulasse. Mais c'est impossible. Ça va pas ou quoi? Vous faites vraiment partie des gens qui n'aiment pas. Et pourtant, j'adore le sucré salé. Non, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure à Mona. Le sucré salé, tu vois, le chèvre miel, la pizza chèvre miel, c'est super bon. Même avec des noix ou quoi, tu vois, c'est super. Mais l'ananas poulet, quoi, c'est quoi ce délire? Est-ce que c'est une question de goût ou c'est une question de principe? Non, c'est une question de palais, mon pote. De goût et de principe, les deux, en même temps. D'accord. Oui. Parce que moi, vous savez que je suis totalement pour, en fait, l'ananas dans les pizzas. Je crois que c'est à force de fumer, quand tu manges, t'as que le goût de carton, je pense. Parce que. C'est pas possible, non. Quand t'as un palais fin, mon pote, genre sans déconner, l'ananas, c'est mort, c'est. Non, mais c'est pas possible. L'ananas, c'est bien dans une salade de fruits, en été. Ouais, voilà. Mais sur une pizza, mec. Bah, non, perso, moi, je suis fan. Allez, je me casse. Mona, qu'est-ce que ça donne, du coup, pour le moment, le sondage? Alors, je retourne sur StudioWeb parce que j'étais sur mon compte Snapchat. Insta privé. Ah, bah, tiens. Bah, attends, tu me prends pour qui? Alors, du coup, passons. Bah, 82% des personnes qui ont voté sont contre. Très bien. Et bah oui, 18% seulement sont d'accord avec toi. Si jamais, je vous le répète, allez voter sur la page Insta StudioWeb. On refera un point tout à l'heure. Tous à table, Mona nous sert le plat du jour sur StudioWeb. Et oui, Ariana Grande a passé une sale année, on le sait, elle s'est séparée de son petit ami avec qui elle était presque mariée. Et ensuite, elle a perdu son ex et décédé, Mac Miller, vous en rappelez les garçons, vous savez, Mac Miller est décédé, paix à son âme. Donc toutes ces histoires d'amour plus ou moins dramatiques m'ont inspiré une chronique. Donc c'est Thank You Next. Donc c'est une chanson qu'elle a faite pour résumer toutes ses relations amoureuses catastrophiques. Ça m'a fortement inspirée, je vous l'ai dit. Et du coup j'ai décidé de faire mon bilan. Vous êtes prêts à l'entendre ou pas? Vas-y. Bilan de mes relations amoureuses catastrophiques. Ça va être chargé. Ça va être chargé, ouais, on peut passer l'heure. Mais j'essaie de résumer, tu vois. Bon, il est temps pour moi que sonne mon fucking thank you next, ok. Donc pour moi c'est pas ma faute, hein. Toutes ces histoires c'est pas ma faute, que ce soit clair. C'est jamais ta faute. C'est jamais ma faute, justement. Alors première histoire, j'avais 16 ans, je pensais que j'allais me marier avec ce gars en fait. J'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie, que j'en ai rencontré qu'un. Et il me l'a mise à l'envers, il m'a trompée, alors que moi je pensais que j'étais Jasmine et lui Aladdin. Du coup le conte de fées s'est terminé, et du coup, thank you next Momo. Est-ce que tu vas vraiment mettre cet extra à chaque fois? À chaque fois, parce que ça veut, I'm so fucking grateful for my ex, ça veut dire je leur suis reconnaissante malgré tout, parce que je ne garde que le positif de mes relations ratées. Donc comme j'étais détruite après Momo. Dis-moi. Deuxième et troisième histoire, en fait mes deux prochaines histoires s'étaient collées. Est-ce que ton Momo tenait une baraque à frites aussi? Il vendait des fricadelles. Absolument pas. Arrêtez, il était au lycée avec moi. Et tout. Non, vas-y, arrêtez vos conneries. Bon, j'avais besoin de quelqu'un pour passer du temps. Sauf qu'il était piquard, elle ne le savait pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Il était marocain d'origine. Enfin, bref, passons. Donc, les gars étaient adorables. Ils m'ont servi, en fait, parce qu'ils me disaient que j'étais belle. En fait, tu vois, je sais pas. Ils me rassuraient. J'ai pris confiance en moi grâce à Marvin et à Mehdi. Donc, thank you next, Marvin. Donc elle va vraiment mettre cet extrait. Alors, mais toujours. Est-ce que Mona, tu te sens capable de terminer ta chronique ou pas? Oui, je vais. Allez, essayer. Courage. Vos réactions me tuent. Donc pour finir, j'ai plein d'autres histoires, hein, mais je vais vous les passer. On en parlera plus tard après l'émission parce que c'est une catastrophe. Je vais parler de celui qui a été le plus adorable avec moi, le meilleur des copains du monde, celui à qui je dédie ce couplet, à Mac Miller. J'attends mon couplet. Et on remercie Gwen même et Victor la régie, on peut plus. À la console c'est qui était vraiment possible. En train de suivre. Donc en c'est gros, pas grave, sur vous, les gars. Oui. Excusez-moi. Ce que Ariana Grande disait dans ce couplet, c'est qu'elle remerciait Mac Miller parce que c'était un ange. Et moi j'ai envie de remercier mon ex avec qui je me suis séparée il y a 3-4 mois parce que c'était un ange aussi et c'est moi qui ai déconné. Donc thank you next au meilleur. Et je vous jure que ça m'a aidé. Franchement, n'ayez pas honte de vos ex, assumez et gardez que le positif, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah franchement, merci beaucoup Mona pour le soutien psychologique. vous allez faire un tour dans la street. Enfin, on va faire un tour dans la street avec toi, Antonin, dans 3 minutes. Ouais, juste le temps pour nous d'écouter Mossiman et Never Let You Go sur StudioWeb. To keep you warm, and in the storm, I'll never let you go. Oh, I'll never let you go. Oh, I'll never let you go. Oh, I'll never let you go. is washed away. Mossiman à l'instant sur Studekweb, le clip de Never Let You Go vient d'ailleurs de dépasser les 4 300 000 vues sur YouTube. Dans Studek Borderline, on vous en apprend tous les jours. C'est bientôt Noël et Antonin va vous filer ses idées cadeaux. Ouais, voilà, j'ai fait un peu le tour des cadeaux insolites pour Noël parce que je savais pas quoi offrir, enfin surtout vous offrir. Mm-hmm. Du coup, j'ai gardé les idées les plus intéressantes. Alors, Mona, ma coriandre des îles. Ma coriandre des îles. Alors je te pas. Propose quelques petits cadeaux et tu me dis celui que tu préfères. Ok. Alors une rose éternelle plaquée or 24 carats pour le modeste prix de 70 euros. Je prends. Tu prends. Une pilule qui permettra de faire des caca paillettes. Ah j'adore. Je prends aussi. Pour le modeste. Je te jure, je me suis renseigné, ça se vend en petite boîte de 6 et ça vaut 7 euros et bah tu fais caca paillettes. Mais je crois que Mona tout ce qui brille ça l'intéresse. Ouais. C'est... ouais. Dès que ça brille c'est bon. Ça en fait. Tu regarderas tes crocs d'une autre façon. Est-ce que un bonnet lampe frontale. Ça me servira à quoi ça? En fait, tu marches. Mais si! Mais non! Dans la nuit, t'as un peu froid aux oreilles, tu mets un bonnet lampe frontale. Mais non, si je veux passer inaperçu, j'ai l'air bébête. Bah ouais, bah justement, c'est le but. Bah non. Non, c'est bon, je prends les deux premiers. Bon, ça y est, j'ai fait ma liste. Hugo, mon petit bichon maltais. Dis-moi. Tu sais, je vois que tu bois souvent du café et café froid, c'est pas bon. Mm-hmm. Donc, est-ce que un chauffe-tasse en forme de cookie que tu branches en USB sur ton PC, ça t'intéresse? Ah, c'est pas mal, ouais. Et bah, c'est pour le modeste prix de 16 euros. Ah, ouais. Oh, bah, ouais, je suis chaud de ouf, moi. Et comme t'as un peu besoin de répartie, je te propose un dico des insultes oubliées. je suis preneur aussi. Voilà. À 3 euros. Gwendal, notre Réa, si tu nous entends, voilà, j'ai pensé à toi. Pour te rappeler que t'étais un peu seul dans ta vie, un shooting photo en famille pour 60 euros. Moi, voilà. Ça me va, moi, nickel. Alors, si vous n'avez pas entendu, il a dit moi, ça me va, nickel. Je préfère juste au et cas pourquoi où. Pas un autocollant Johnny Hallyday pour ta carte bancaire à 15 euros. Il kiffe aussi, il prend aussi. Il prend tout. Et Victor, notre Tecos, comme t'es toujours un petit peu perché, je t'ai trouvé un simulateur de vol à Paris pendant une heure pour 99 euros. Alors, des œillères par exemple. Voilà. Pourrait m'aider pour justement avoir les yeux rivés sur vous. Voilà. Et une paire de testicules anti-stress. Ah, ça, c'est bien, ça. Que ah, tu accroches sous la table. Non, voilà. je crois que ça, il est pas fan. Hein. Bon, bah, merci Antonin. Du coup, tu nous reviens. Tu reviendras nous parler de séries et de films tout à l'heure. Ah, allez, on va jouer sur Studekweb. On joue au jeu des poupées russes sur Studekweb. Impact Studekweb a gagné avec une casquette et un t-shirt Studekweb. Est-ce que ça vous tente? Si oui, venez jouer au jeu des poupées russes sur Studekweb. C'est à double tranchant. Mona et Anto ont chacun choisi un thème et vous devez choisir l'animateur et le thème de votre choix. Vous nous donnez un maximum de bonnes réponses en 45 secondes pour gagner. Pour participer, c'est très simple. Vous allez sur notre page Facebook Studekweb. Vous nous envoyez un message avec votre nom, prénom et numéro de téléphone. Et Gwen et Victor à la console s'occuperont de tirer au sort. Antonin, Mona, qu'est-ce que vous avez choisi comme thème aujourd'hui? Honneur aux dames. Ok, nouvel an. Nouvel an. Et repas de Noël. Et repas de Noël, bah voilà, vous savez tout. Dans quelques instants, l'un d'entre vous sera avec nous au téléphone pour réagir au sondage du jour, à savoir pour ou contre l'ananas dans les pizzas. Si vous voulez nous donner votre avis, ça se passe sur la page Instagram @studekweb. Le retour de la musique, c'est dans moins d'une minute avec UGL et son titre What the Fuck, justement, vous l'entendez. Et ça arrive très vite sur Studekweb. Écoute ta web radio préférée, envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien! Avec Voxem, donne ta réponse au jeu, participe au débat et lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Studek Web. 100% nouveaux talents. Studek Borderline, tous les jours, 15h-16h sur Studek Web. Ain't looking you ain't got a crown. Be watching and learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? And learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? Et What the Fuck sur Studek Web, le clip est sorti il y a 3 semaines. On vous met le lien vidéo sur la page Facebook également. C'est... Ah, merci, c'est mieux. C'est l'heure d'avoir un avis extérieur sur le sondage du jour. On l'a lancé il y a une grosse demi-heure. Je vous rappelle le sujet, pour ou contre les ananas dans les pizzas. Et il y a Vincent qui va nous éclairer sur la question, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Hugo. Comment vas-tu Vincent? Allez, je vais bien, Nous sommes là aussi. Passer à la radio, dis donc. Nous sommes là, bonjour. Eh ben, bonjour Vincent. Ah oui, bonjour à vous également. Voilà, bonjour Vincent. Alors, bonjour Vincent, Antonin. Vincent, voilà, il va dire bonjour à tout le monde. Et Vincent, Mona, non? S'en fout, Mona. Allez Vincent, tu as 28 ans et tu viens d'Orléans. C'est ça, la belle ville d'Orléans. D'Orléans, absolument. Et tu es dentiste. Ouais, bah c'est pour ça que je réagis au sondage, justement. Ah ouais? Eh bah dis-nous tout, d'ailleurs, tiens. Eh bah l'ananas dans les pizzas, c'est très bon pour les dents. Merci, enfin quelqu'un de mon côté, c'est gentil comme tout. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Parce que t'as l'air d'être un petit malin, toi. Bah, c'est mon métier, donc moi je te dis ce que je sais, mais tu es qui, Toi, qui es-tu, Victor ou Vincent, ou comment il s'appelle celui-là? Vincent. Ok, Vincent, très bien. Toi, qui es-tu? Tu es dans notre émission. Mais je suis un dentiste et j'ai vu votre sondage tout à l'heure qui parlait des ananas. Et vu que bah, moi, je le sais et je partage un petit peu ma science. Quoi. Donc oui, l'ananas dans les pizzas. Et bah, de base, l'ananas, c'est bon pour les pizzas. Enfin, c'est bon pour la santé, pardon. Et dans les pizzas, bah, c'est encore meilleur pour les dents. Ouais, déjà, attends, les pizzas, dentiste, par définition, ce n'est pas bon pour la santé. Excuse-moi, t'es dentiste. Donc, tu dis que l'ananas, c'est bon pour la santé. Et le sucre, les caries, on en parle ou pas? Et bim, cassé. Dégage. Non, juste pour savoir, non, coup, Vincent, sûr, ce n'est pas abusé forcément, mais c'est comme je sais pas moi le. Bon, écoute Vincent, moi ce que je te propose c'est de rien dire de plus pour pas t'enterrer. Voilà, donc toi t'es plus pour du coup, j'imagine. Bah puisque je vous dis que c'est bon pour la santé, ça. Ah, ouais, il va s'énerver en plus. Bien sûr que je suis pour, en plus c'est bon. Bah écoute, je te remercie Vincent d'avoir participé, on se retrouve bientôt sur Studek Web. Mais avec plaisir, mais sans les deux zigotos là qui sont. T'inquiète, on fera une émission, je t'inviterai sur Studek Web, ça fait plaisir. On le blacklist. On va le bouffer. Allez, c'est l'heure de donner quelques new news, on commence avec toi Mona. Mona, à toi, vas-y. Ok, Offset et Cardi B, catastrophe ce week-end. Offset s'est incrusté sur un festival dans lequel elle performait, dans lequel Cardi B performait. Il lui a amené un gros bouquet de fleurs avec écrit dessus « Reprends-moi ». Mais elle l'a trop mal pris, en fait, elle était pas du tout contente de ce qu'il a fait. Quoi. Ah merde. Et puis, ouais. Ils se sont pas réconciliés, j'ai pas l'impression qu'elle a envie de se remettre avec lui. Véronique Sanson sera en concert. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. Voilà, elle sera au concert au Palais des Sports de Paris le 26 avril prochain à 20h30. Alors les places sont encore disponibles entre 50 et 80 euros. Très bien. Les tirages de la Ligue des Champions sont tombés pour les clubs français. Encore en lice, le Paris Saint-Germain sera confronté à Manchester United et l'Olympique Lyonnais défiera le club le plus en forme ces derniers temps, le FC Barcelone. On leur souhaite bon courage, les matchs reprennent en février prochain. Je vous parle des Miss France. C'était samedi soir et c'est Miss Tahiti qui a été élue. Elle a 23 ans. Elle s'appelle Vamalama Chavez. Absolument. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais juste pour vous dire, magnifique. Je trouve que c'est une des plus belles jolies, une des plus jolies Miss qu'on ait eues ces dernières années. Elle est magnifique. Elle est sublime. Mais elle a confié qu'elle était tombée malade avant le concours parce qu'elle s'empêchait de manger parce qu'on leur met beaucoup la pression par rapport à ça. Donc, ouais, il y a déjà des infos qui fusent où physiquement, déjà, c'est très compliqué d'être Miss. Et aussi, je rajoute juste que la sœur de Raphaël Varane était, faisait partie des Miss, en fait. Ouais. Et elle a terminé 7e comme son frère au Ballon d'Or. Merci Hugo de rajouter une info. Merci à moi. Antonin, bravo. Sans transition, si tu veux. Oui, alors samedi matin, des gendarmes d'Eure-et-Loire ont dû mobiliser une voiture qui était sur la 11. Dans le véhicule, 4 gilets jaunes en direction de Paris pour manifester, sauf que les plaques d'immatriculation n'étaient pas aux normes. C'était écrit Gilles et Jaune. D'où leur arrestation qui a fait rire Jaune, les gendarmes. France 3 s'est excusé hier soir au JT de 20h. Ils sont accusés d'avoir censuré une pancarte d'un gilet jaune qui passait à l'écran. Ne voyant qu'une pancarte avait marqué Macron et un espace blanc en dessous, les téléspectateurs ont écrit à la rédaction pour le signaler. On parle d'une erreur humaine. À demain pour une nouvelle alerte média. On a lancé le jeu des poupées russes il y a une dizaine de minutes sur Studek Web. Un pack à gagner avec une casquette et un t-shirt Studek Web. Le jeu est simple, Mona et Antonin ont chacun choisi un thème. Rappel des thèmes s'il vous plaît. Nouvel an. Pardon, excusez-moi. Déjà, j'ai oublié de... Pardon. Le thème est encore suspense. Allez, vas-y. Et comme j'aime bien la grosse bouffe, j'ai dit repas de Noël. Allez, nouvel an et repas de Noël. Et à vous de choisir le thème et l'animateur que vous défiez. Pour vous inscrire, direction notre page Facebook Studek Web pour nous envoyer un message avec votre nom, prénom et numéro de téléphone. On tire au sort et on rappelle l'un d'entre vous. Tout juste 5 minutes aussi avant la reprise de la musique. On va se faire plaisir avec Clean Bandit. Y a pas Clean Bandit, c'est pas grave. On entend en fond en fait. Petit souci, désolé. C'est pas grave, y a pas Clean Bandit. En tout cas, on se fera solo sur Studek Web. C'est dans un instant, ça fait plaisir. Voilà. Ce soir de 17 à 18h sur Studek Web, retrouvez toute l'équipe du GPS. Le Grand Prime Studek vous accueille pour une émission de folie au programme. Au programme, qu'est-ce qu'il y a au programme? Dove nous parlera d'air de piano, le jeu de la marche arrière pour tenter de gagner un pack Studek Web et la visite des locaux, la Vinyl Story sur Moon Boots, sans oublier la boîte à gants. Ils vous donneront les bons plans pour passer un Noël sans trop dépenser. Ne manquez pas le GPS de 17 à 18h sur Studek Web. Quinze... 15h30 sur Studek Web. Studek Web, les infos. Le Flash Info vous est présenté par Elouane Bro. Bonjour Elouane. Bonjour à tous. 2 milliards d'euros de pertes pour le secteur du commerce à cause du mouvement des gilets jaunes qui dure depuis maintenant 5 semaines. Une perte que le secteur n'espère plus récupérer avant Noël. Le Conseil National des Centres Commerciaux, le CNCC, a indiqué que la fréquentation des centres commerciaux avait baissé de 10% par rapport au même jour l'année dernière. Et toujours concernant les gilets jaunes, le président Emmanuel Macron réunira demain plusieurs de ses ministres et des acteurs du monde économique afin d'organiser la grande concertation annoncée il y a quelques semaines au sujet de la transition écologique et sociale et pour débattre des revendications des gilets jaunes. Un rendez-vous pris par le président qui fait donc l'impasse sur son déplacement prévu demain à Biarritz pour préparer le prochain sommet du G7. Un proche de Chérif Chekat, l'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg, va être déféré devant un juge d'instruction antiterroriste à Paris. Il est soupçonné d'avoir fourni l'arme ayant servi l'exécution de l'attentat à Strasbourg, un revolver. L'homme de 38 ans est mis en examen et le parquet de Paris a requis son placement en détention provisoire. L'attentat du 11 décembre a fait 5 morts, la dernière victime est décédée hier soir et plusieurs personnes sont encore dans un état grave. Renault qui continue la pression sur Nissan après la révocation de Carlos Ghosn. Le groupe japonais n'a pas réussi à trouver un successeur à son ancien président. L'assemblée délibérante avait choisi parmi les administrateurs restants, mais n'a pas réussi à trouver un accord. Le groupe Renault a réclamé à Nissan la convocation au plus vite d'une assemblée générale d'actionnaires. Néanmoins, le patron exécutif du groupe japonais, Hiroto Saikawa, a appelé à ne pas agir dans la précipitation. Et le tirage au sort des matchs de Ligue des Champions est tombé ce midi. Un tirage globalement équilibré. Le Paris Saint-Germain affrontera le Manchester United de José Mourinho, mal en point en Première Ligue. L'Olympique Lyonnais fera quant à lui face au géant Barcelone. Parmi les autres affiches, Atlético Madrid de Juventus de Turin, Liverpool contre le Bayern de Munich et le Real Madrid face à l'Ajax d'Amsterdam. Et un point sur la météo avec un temps globalement ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Dans la moitié nord, beaucoup de nuages couvrent l'Alsace et la Lorraine avec des risques de pluie. En Bretagne également, prévoyez de la grisaille et des averses dans l'après-midi. Dans la partie sud, seulement le Limousin sera la proie des nuages qui devraient se dissiper en fin de journée. Les températures sont au-dessus des normales de saison et comprises entre 3 et 12 degrés. Il fait 9 à Paris, 12 à Brest, 13 à Bordeaux, 11 à Montpellier, 8 à Lyon et 5 à Strasbourg. Le Studec Borderline revient tout de suite avec Hugo et toute son équipe. Merci Éloane, le prochain Flash Info à 16h. C'est Borderline sur Studec Web. De retour dans Studec Borderline, votre émission culture concon. Dans quelques minutes, Mona nous parlera d'un artiste togolais et Antonin, lui, d'une série ou même d'un film qu'on connaît tous. Ça arrive juste après Clean Bandit et Solo sur Studec Web. Bienvenue sur Studec Web. Il en faut. Antoine, tu m'as dit que t'étais fan de Disney, Gico, je voulais pas y croire. On dirait pas, mais je suis un fan de Disney. J'ai tout. Alors, franchement, j'ai tous les VHS à la maison. Ouais, je suis vieux. Et alors bref, tout ça pour vous dire qu'il y a un film qui fait partie de mon top 3 entre Le Roi Lion et Toy Story. Je parle bien évidemment de. Et bah non! Eh ben non, c'était censé. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Bref, enfin voilà, ça c'est censé être mon, c'est mon fond musical en fait. On mais fait non, très mais bien c'était, pour, c'était pour le faire nous-mêmes, voilà, absolument. C'est pas grave, c'est très bien. Bon, le livre de la jungle. Aujourd'hui, je ne compte pas vous parler du chef-d'œuvre original de 1967 de Rudyard Kipling, mais des réadaptations beaucoup plus récentes comme le film d'avril 2016 réalisé par Jon Favreau. Si tu ne parviens pas à vivre en meute, un de ces jours, tu te feras dévorer. Je ne peux m'empêcher de remarquer cette odeur étrange aujourd'hui. L'homme n'a pas sa place! Sauve-toi, Mowgli! Tu n'es plus en sécurité dans la jungle. C'est ma maison! Seul l'homme peut te protéger. Toi, tu es un petit homme qui veut vivre dans la jungle. Oui, qui vous l'a dit? Petit, j'ai des oreilles, de bonnes oreilles. Je suis le seul qui puisse te protéger. Se satisfaire du nécessaire. Qu'est-ce que c'est ? Une chanson qui parle de la belle vie. Un film magnifique avec des textures 3D plus que réelles. Bon, l'histoire reste la même. Oui, parce que quand on parle de réadaptation, généralement l'histoire n'est plus pareille. Je le conseille aux petits et aux grands. Mais ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est la toute dernière réadaptation par Andy Serkis que l'on retrouve sur Netflix. Il s'agit de Mowgli, la légende de la jungle. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit waouh, celui-là je vais me le faire sortir quand je rentre chez moi. Et cette fois, on ne voit plus le côté très joyeux, mais le côté sombre et touchant du personnage. C'est la première fois que je vois un petit homme. C'est tellement... minuscule. Bagheera, pourquoi ne suis-je pas comme les autres? Tu es unique, petit frère. Tu as des bras, alors serre-t'en, saute! Dégage de là! Tu te vois pas te laisser marcher dessus comme ça? Les loups s'habitent toujours ensemble! Sauf que lui, c'est pas un loup. J'ai bien vu comment tu regardes le village. Mowgli, tu es des leurs. Bien évidemment, on retrouve tous les personnages comme Baloo, Bagheera, Ka et Shere Khan. Et alors la 3D, elle est à couper le souffle, mieux que le prédécesseur de 2016. Je l'ai regardé et j'étais clairement sur le cul. Alors, est-ce que Mowgli va réussir à sauver la jungle? Va-t-il se faire accepter des autres loups ou va-t-il tout simplement survivre? Bah, toutes les réponses sont dans le film Mowgli, légende de la jungle. Eh bah, merci à toi Antonin, on perd pas de temps nous et on part en voyage sur Studek Web. Bienvenue sur Studek Airlines. Attention, décollage imminent pour les musiques d'ailleurs. À destination de... À destination Mona, de l'Afrique. Eh oui, sur l'Afrique. Eh oui. Je n'attendais c'est pas. Afrique, eh ouais. Alors voici mon fond sonore stéréotype. Ah, c'est pas mal ça. C'est vous, vous voyez pas, mais c'est écrit belle, Ok, très bien. Alors je vous amène en Afrique, je précise, au Togo, pour découvrir un duo mondialement connu, c'est Toufan. Vous les connaissez les garçons ou pas du tout? Absolument. Absolument, absolument, absolument pas. Ok, alors écoutez ça, je suis sûre que vous le connaissez. Freestyle. Ah, bien sûr. Bien sûr que je connais. Bah oui. Mais c'est super cool, ça passe tout le temps en boîte. Je crois qu'on traîne Mona, pas dans les mêmes pas, boîtes. Je vais pas du tout en boîte. Ok, d'accord. Donc ok, je passe pour la meuf qui traîne tout le temps en boîte. Non mais c'est, je sais pas, c'est de l'afropop en fait, c'est super connu. Bon, ce son s'appelle Guetta. C'est l'un des sons qui les a propulsés sur la scène mondiale en fait. Donc vous n'avez pas pu passer à côté. Et si c'est le cas, je vous fais réviser votre culture musicale parce là, que c'est un phénomène. Je me retiens de la démolir à l'antenne. Non, non mais c'est un phénomène de la musique afropop. C'est pas possible de pas connaître. Donc, ils nous viennent tout droit du Togo, comme je vous l'ai dit. Et le groupe Toufan amène un genre africain en Europe, mais aussi aux États-Unis. Parce qu'ils font des concerts aux États-Unis, faut le savoir. Donc ils nous font en gros découvrir la culture musicale africaine et c'est ça qui est cool. Donc je vous partage un son de leur dernier album qui s'appelle Conquistador. C'est sorti en fin août. Et ça s'appelle Affairage et c'est en français. Ah. Tu m'énerves. Avec ton histoire que tu racontes, tu sais ma chérie, moi je l'aime, elle m'aime, on s'aime, tu vois. Mais affaire-moi, tu l'as vu où ça, mais affaire-moi, dans quel bail, mais affaire-moi. Tu sais, je suis pas le genre de personne affinée dans la vie de ma go. Mais dis-moi, tu l'as vu, je l'ai vu, tu l'as vu, je l'ai vu. Affaire à Nina Zizou, il a fait le con, il est sous les verrous. Mais appelle-moi mon ami, il paraît qu'il a maigri. Et que son fils tape ses amis. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu l'as vu? Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Après l'âge, tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as vu? Le harigo, people see Balotelli, belle kisse ne afivi, le bon mami, belle dike ne chichone, dike ne chichone. Tu l'as vu, je l'ai vu. Tu l'as vu, je l'ai vu. Tu l'as vu, je l'ai vu. Après l'âge, tu l'as vu, je l'ai vu. Tu l'as vu, je l'ai vu. Tu l'as vu, je l'ai vu. Après l'âge. Congo Salistico. Tu l'as vu, je l'ai vu. Tu l'as vu, je l'ai vu. Tu l'as vu, je l'ai vu. Affaire. C'était Affairage, extrait de l'album Conquistador du groupe togolais Tout Fan. Pas de concert prévu en France pour les deux artistes du groupe. Par mais contre, vous pouvez au moins retrouver leur musique sur leur chaîne YouTube, c'est Tout Fan, ça s'écrit T-O-O-F-A-N. Et voilà. Y a la petite note de musique juste après. Voilà. Absolument. Alors, restez avec nous sur Studek Web, car dans quelques minutes, on joue au jeu des poupées russes. Vous choisissez soit Mona, soit Antonin. Ils ont chacun choisi un thème. C'est quoi votre thème, les amis? Moi, c'est Nouvel le... an. Tu ne parles pas en même temps que moi, Mona. Et toi, Antonin? Moi, c'est le repas de Noël. Les repas de Noël et le Nouvel An. Vous donnez un maximum de bonnes réponses en 45 secondes pour gagner un pack avec une casquette et un t-shirt Studek Web. Pour vous inscrire, c'est sur la page Facebook Studek Web. Vous nous envoyez un message avec votre nom, prénom et numéro de téléphone. On tire au sort et on vous rappelle. Assure également le serment d'hypocrite. L'un d'entre nous est un menteur. On verra qui d'ici une petite dizaine de minutes. On continue jusqu'à 16h avec les meilleurs hits sur Studek Web. Lud est Missing You. C'est plutôt pas mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Génial. Alors ils sont morts de rire, mais genre ils sont tout rouges, je sais absolument pas ce qui se passe. C'était ton tiré au sol. T'imagines le mec avec une mitraillette qui tire par terre. Non, mais on va voir jeudi comment Mona va s'en sortir à ma place. Mercredi. Ah, c'est mercredi. Ah, d'accord. Le mec est vachement au courant de l'actu sur Studek Web. Je te jure, désolé, bon. Noël approche, mais pas question de toucher à l'équipe du GPS dès 17h tout à l'heure pour vous ramener à la maison en toute sécurité. Deux Bretons et un Catalan, de la bonne humeur, de la musique, des souvenirs, de l'info, vos conditions de circulation et des jeux. Le jeu de la marche arrière notamment. Ce qu'on attend de vous, c'est que vous retrouviez une année grâce à des indices. Le pack Studek Web et la visite de la radio sont à remporter. Soyez à l'écoute du GPS dès 17h sur Studek Web. Studek Web. Une radio des hits. Studek. Du kiff. Studek Web. I'm braving the night cause I can't sleep. Thinking about you. Or thinking about your chest beating under my head like it should be. Thinking about you. Or thinking about how I know. Whisper after the song. I keep missing you too much. stable and live without you. Live without you. Kiss so pure, so sweet like maple. Can't live without you. Can't live without you. I know you had to go. The city lights just ain't your home. And I keep thinking maybe I've moved on. But baby, when I hear you whisper after the tone, I keep missing you too much. Autant pour moi, vous êtes sur Studekweb et on s'envole direction Moscou. On joue au jeu des poupées russes sur Studekweb. Ça y est, c'est l'heure de jouer au jeu des poupées russes sur Studekweb. Et pour jouer avec nous aujourd'hui, on accueille Maxime. Salut Maxime! Allô Maxime, est-ce que tu nous entends? Super. Il y a une résonance. Il y a un début. Est-ce que alors, Maxime le temps que Maxime avec arrive, je te propose que Mona, c'est quoi ton thème? Oui, moi c'est le nouvel an. Le nouvel an. Voilà. Mona, tu as choisi le nouvel an. Et toi, j'allais me retourner vers Hugo et je fais et toi Hugo. Tu vois, ça change un peu. Dis-moi. Bah écoute Hugo, moi j'ai choisi les repas de Noël. Les repas de Noël, très bien. Est-ce que Maxime est avec nous? Toujours non, toujours pas. Allô Maxime. Non, alors. Alors, il y a un problème avec ce téléphone. Écoutez, c'est pas grave. Moi, ce que je vous propose à la limite, c'est de passer au serment d'hypocrite. En attendant, on rejouera après. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on passe au serment d'hypocrite. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'hypocrite sur Studekweb. Accusé, levez-vous. Mesdames et messieurs, la cour. Asseyez-vous, accusé Robin. Bonjour, oui, d'ailleurs, bonjour. Je vous ai pas dit bonjour. Voici les faits qui vous sont reprochés. Claquer toutes les portes des locaux où les gens travaillent. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, Robin? Ah, je fais pas exprès, vraiment. C'est comme ça partout. Chez moi. Malheureusement, c'est pas suffisant pour vous en sortir. Ah, vous allez être mis à l'épreuve. Est-ce que vous connaissez les règles du serment d'hypocrite? Vite fait. Est-ce que vous pouvez me les rappeler? Je vous les rappelle sans problème. L'avocat de la défense, le juré et moi-même allons vous raconter une anecdote. Mais quelqu'un ment et c'est à vous, accusé Robin, de trouver cette personne. Okay. Si vous réussissez, vous êtes acquitté. D'accord. Mais si vous perdez, vous devrez réaliser un gage. D'accord. C'est bien clair pour vous? C'est bien clair. Écoute, moi je vous propose qu'Antonin commence. Ah bah oui, comme de par hasard. Alors, le jour de la Coupe du Monde, j'étais à Amiens. D'accord. Et je suis parti boire une petite bière avec des amis au Quai Bellu, je sais pas si tu connais, ou au quartier de Saint-Leu. Bref, juste à côté de la cathédrale. D'accord. Et c'est la place où il y a un petit peu tous les bars. Bref, on boit, avec modération, on gagne la Coupe du Monde, il y a la somme qui passe juste devant le Quai Bellu, il faisait chaud, alors j'ai piqué une tête dans la somme. D'accord. Voilà, bon, ça, bah, c'est une anecdote. Mona, qu'est-ce que t'as à dire? À mon tour, ouais. Ok. Je ne vais pas te mentir, parce que je ne mange jamais, je suis pas comme ça. Ce week-end, moi ça s'est passé ce week-end, donc tu vois, Antonin, ça date, donc c'est la preuve que c'est un mytho. Ce week-end... j'étais comme ça avec un ami, il avait une voiture automatique. D'accord. Et je n'ai pas le permis. Je tiens à préciser que j'ai raté mon permis au mois de D'octobre, octobre, novembre. Ah oui, je me rappelle. Antonin, ça te dit rien? Elle si, elle a dû pleurer dans le Attendez, parce que ça, les auditeurs doivent le savoir. Il faut savoir que le premier jour de la web avec Antonin, on apprend quoi? Mona n'est pas là. Pourquoi? Elle nous dit vous serez demain. Je suis partie rater mon permis. Elle est partie rater son putain de permis. Du coup, demain, le lendemain, elle est revenue. Elle avait la haine. C'était la merde. Mais non, parce que je suis tombée sur une connasse. Mona, d'ailleurs, si elle m'entend, tu es une connasse. Parce que c'était une négligence. Je crois que c'était une malle. Déjà, tu vas te calmer avec. Petites étoiles. Tu vas te calmer. Non, mais si, je vous le dis clairement. Et ça se voit qu'elle avait 15 chats à la maison et qu'elle a vu que j'étais canon et elle s'est dit bah vas-y, je l'aime pas cette meuf, j'ai pas lui donné le permis. Ah ouais, Mona, écoute. Bon, est-ce qu'on peut continuer sur mon histoire ou c'est comment? Attends, avant, parce que tu nous as laissé tout seul avec Hugo. Ouais, non, mais faut savoir. Et après, t'es revenu et tu nous fais j'ai raté mon permis. Ah, vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ce n'était pas ma faute. Par exemple, une chronique de Mona, c'est censé durer environ, on va dire, 2 minutes 30. On les a enregistrées, du coup, on était obligés. Elles ont duré 6 minutes. Elles duraient 3 minutes. Une chronique de 5 minutes faisait 7 minutes. Enfin, vous voyez le délire du grand bon, Mona. Est-ce que je peux raconter oui, mon oui, histoire? Vas-y, vas-y, voilà, je n'ai pas le permis parce que je l'ai raté à cause d'une connasse. Et un ami m'a gentiment prêté sa voiture à boîte automatique. Et j'ai conduit pour la première fois une automatique et j'ai grillé un feu rouge. J'ai failli faire deux accidents en fait parce que c'est dingue comment c'est un jouet. Mais en fait, c'est toi qu'on doit traiter de connasse. Tu veux dire que tu es une connasse? En fait, j'ai vu la police passer parce que je n'ai pas le permis, j'ai flippé, donc je les regarde et en fait, quand je les ai regardés, ben boum, en fait, ma voiture a dévié, j'ai failli me prendre un. Elle a un tapé poteau. Un burn devant la boulangerie. Non, j'ai pas fait d'accident. Ah, c'est ça, les traces sur le trottoir. D'accord. Non, je comprends. Mieux. Voilà. Bon, pour mon histoire. Je vais vous raconter la mienne, Monsieur Robin. Ok. Pour ma part, quand j'étais petit, j'étais le genre de gars, j'étais un peu le gars qui voulait aller à l'école en nudiste, tu vois, genre. J'abuse peut-être sur le terme de nudiste, mais genre, je voulais y aller, genre en pull, jean et chaussettes. Pas de manteau, pas de chaussures, enfin bref, voilà, on se met bien quoi. Et une fois, ma tante, elle devait m'emmener à l'école, habituellement c'est ma grand-mère ou ma mère qui m'emmenait à l'école. Ma tante a dépanné, donc elle arrive chez moi, elle m'emmène à l'école, on monte dans l'ascenseur, on sort donc de l'appart, on monte dans l'ascenseur et là, elle se rend compte que j'ai pas mis mes chaussures. La galère, c'est qu'en fait, elle n'avait pas les clés de l'appartement. Donc en gros, ce qu'on a fait, vu que j'avais pas le choix, et c'est le ton appelé Yannick Noah toute la journée. Et non, heureusement, j'ai évité ça. Non, on a été sonné chez ma voisine qui m'a du coup prêté une paire de chaussures beaucoup trop grande pour moi. Bah attends, vaut mieux ça parce que franchement, vu la tête de tes pieds, ils sont dégueulasses les pieds du goût. Mais tu les as déjà vus, Antonin? Tu veux quoi? Si on les a vus, tes pieds ils sont moches. Non, mais attends, après avoir débattu sur ton permis, est-ce que tu veux qu'on débatte vraiment sur les pieds du goût? On va débattre sur les pieds du goût, je m'en suis pris. Tu veux parler de mes pieds? Tu veux qu'on parle de ton bout ou pas? Alors là, tu vas te calmer tout de suite, on parle pas de mon bout là. Ah, je voulais vraiment pas que t'assistes à ça, je suis désolé. C'est un sujet un peu sensible pour moi. Bon, alors du coup, à qui zéro bain? Attendez, oh, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ok? Ok, allez. À qui zéro bain, selon vous? Qui dit la vérité? Alors moi, je pense pas que ça soit Mona. Je pense que c'est complètement du mytho. Ok. J'hésite entre toi et Antonin, mais je dirais plus on Antonin. On vous voit, parce que monsieur. C'est du vouvoiement ici. Pas de tutoiement qui tient. Il y a que moi qui prends le tutoiement. Excusez-moi. C'est moi le chef aujourd'hui. J'en profite. Donc moi, je dirais que c'est monsieur Antonin qui ment. Antonin. Enfin, qui dit vrai. Qui dit vrai. Antonin. Donc ça serait moi qui dit vrai. Est-ce que tu penses? Oui, je suis sûr que t'es un supporter Picard, Damien. Ah non, mais c'était pas Amiens, c'est la Coupe du Monde, c'était en France. Il avait pas suivi ton histoire. La Coupe du Monde, mais est-ce que tu penses vraiment que j'ai une tête à aller piquer une tête ah, oui, dans oui. la Somme alors que j'ai bu? Oui, je suis sûr. Je confirme. Je dis que c'est pas impossible. Franchement, je dis que c'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Alors, du coup, Robin, alors je valide. C'est mon dernier mot. Tu valides pour Antonin? Oh, c'est bien ça. Jean-Pierre qui vient, Damien. Tu valides pour Antonin? Oui, je valide pour Antonin. Accusé Robin. Eh ben c'est perdu, présent pour vous. Voilà, c'est perdu. C'était moi qui disais la vérité. J'ai conduit illégalement ce week-end. Eh oui, voilà, c'était moi. Voilà, bien évidemment, à ne pas reproduire. Et surtout, n'allez pas sur la route quand Mona est sortie. Voilà. C'est mieux pour votre santé. Bon, du coup, accusé Robin, c'est perdu, hein, désolé pour vous. Voici le gage. C'est quoi le gage alors? Le gage que vous allez... Attendez, j'y arrive. Le gage que vous allez devoir effectuer dans quelques secondes, c'est vous allez devoir caler la courte intro de Justin Bieber en reprenant l'air de Baby. Ça me paraît. Baby, absolument. Merci à vous, mes chers amis. Mona et moi, on est synchro. Studek Borderline, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve tous ensemble demain, même endroit et même heure, pour une nouvelle émission de folie. Les New News, le sondage, le jeu, la bonne musique seront au rendez-vous. D'ailleurs, demain, on aura un invité de luxe. DJ First Mike. Mona, est-ce que tu veux nous parler un peu de First Mike? C'est DJ First Mike, tout simplement. Et il est DJ. Voilà. Très bien. J'adore comment elle va s'en inviter, la meuf. On lui posera des questions sur sa vie ainsi que sur son boulot. Antonin, merci. Antonin, Mona, merci à vous. Merci à toi, Hugo. Je vous laisse le mot de la fin, moi, j'arrête, j'en peux plus. Alors, le mot de la fin pour demain, Mona.